Le lendemain, Vincennes emprisonné, Bède vient jouir chez les hulots de son triomphe. Celui-ci est violent, mais bref, car Venceslas apparaît en personne. Un ami a payé pour sa libération. Cette fois, on ne peut plus cacher à Bête le mariage prochain. Elle s'en réjouit, avec toute la famille, jouant le rôle du bon ange. Comme Hulot a réussi à trouver de l'argent pour faire une dot convenable à sa fille, les jeunes gens peuvent se marier. Le mariage a lieu le jour où Valérie va devenir la maîtresse de Hulot. Il a installé dans ce nouvel appartement luxueux de la rue Vanneau, tout en demandant à sa femme de déménager dans un appartement plus petit. Pour arranger sa situation financière, Hulot a envoyé un oncle de sa femme en Algérie pour y gagner de l'argent en faisant des radias, c'est-à-dire en volant aux habitants leurs ressources agricoles pour les revendre à prix d'or.